Vous êtes sur Web7 Radio, apprendre ou à débattre, présenté par Adrien Brachet. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver depuis notre dernière émission au mois de juin en compagnie de Guillaume Meurice. Je vous avais promis qu'apprendre ou à débattre reviendrait, c'est donc chose faite. Nous nous retrouverons plusieurs fois au cours de l'année pour des émissions spéciales, d'autant plus qu'après une longue année présidentielle, cette nouvelle année s'annonce propice au débat. S'ouvre désormais le temps des reformations, des destructions, des refondations. De nouveaux pôles idéologiques sont incontestablement en train de se former et espérons qu'ainsi le débat de fond reprenne le dessus face aux guerres des chefs. Quoi qu'il en soit, l'échiquier politique est en train d'opérer sa mue et nous serons aux premières loges pour analyser tous ces phénomènes et entendre l'opinion de la jeunesse. Nous ne manquerons pas non plus de parler culture tout au long de cette saison et dès ce soir, nous allierons les deux. Nous irons faire un tour du côté du Front National suite au départ de Florian Philippot, premier acte d'une refondation politique du parti de Marine Le Pen. Puis nous irons à la découverte d'un aventurier, en compagnie de deux vieilles connaissances. Mais avant, je vous propose de saluer ceux qui m'accompagnent présentation de cette émission, il y a bien sûr notre cher chroniqueur Robin. Bonsoir Robin. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Salut Arthur à la régie. Et puis fidèle au poste, exactement. Bien évidemment, tu viens de le dire Arthur. Bonsoir Adrien, bonsoir Robin et bonsoir à tous nos auditeurs. Alors pour ce 96e numéro de Apprendre ou à débattre, alors que Florian Philippot a annoncé hier son départ du Front National, nous débattrons avec Gaëtan Dussausset, directeur national du Front National de la Jeunesse. Puis nous recevrons Maxime Dalle et Yves Delafoy, fondateurs de la revue littéraire Raskar Kapak, dont le 8e numéro vient de sortir. Ils vous feront découvrir ou redécouvrir l'écrivain et aventurier Henri de Montfred. Enfin, tradition de l'émission, nous terminerons par les tops et les flops. Vous l'aurez compris, il y aura donc de la politique et de la culture au programme ce soir. Et tout de suite, je vous propose d'aller à la rencontre de notre premier invité. Jingle. Notre invité... Présentation. Florian Philippot a donc annoncé son départ du Front National hier sur France 2, même si cette annonce ne surprend pas vraiment, elle a agité le parti de Marine Le Pen hier, c'est désormais la question de la ligne idéologique du parti qui se pose, et pour en débattre, nous sommes avec Gaëtan Dussausset, directeur national du Front National de la Jeunesse. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Alors pour commencer, est-ce que c'était la fête au Front National hier ? Non, en général, on ne fête pas le départ d'anciens camarades de combat, même s'il est toujours question d'une décision personnelle de Monsieur Philippot, il en reste pas moins que, étant donné en plus les enjeux face auxquels nous faisons face et face auxquels la France doit faire face en ce moment, la dispersion et la division, tout cela pour des ambitions tout simplement personnelles ne sont pas forcément les bienvenues. D'accord, donc c'est juste une question d'ambition personnelle, il n'y a pas de divergence idéologique entre Florian Philippot et Marine Le Pen. Pas du tout d'ailleurs, même Florian Philippot le disait lui-même lorsqu'il a annoncé son départ du Front National, il a dit Marine Le Pen n'a pas changé de conviction, il le dit, je suis toujours en accord avec ce qu'elle pense, donc dans ce cas-là, pourquoi partir ailleurs ? Tout simplement pour des ambitions personnelles, des petites aventures avec le clan et non plus avec le parti. Donc on ne peut pas s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à une évolution de la ligne idéologique du Front National maintenant, qui serait pour un retour vers certains fondamentaux du parti ? En fait, je pense qu'il y a une erreur à ne pas faire, et c'est évidemment quelque chose que font énormément les médias, mais toujours avec évidemment une arrière-pensée, on commence à les connaître. Ils essaient toujours d'assimiler en fait le départ de Florian Philippot, donc le départ d'une personne, d'un cadre dirigeant, à un changement de ligne au sein du Front National. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter d'être dupe. Il se trouve que Florian Philippot est parti en amont d'un débat interne, justement sur les stratégies mises en œuvre par le Front. Voilà, tout à fait. Et c'est justement dans le cadre de ce congrès qu'est mis en place le débat interne au sein des instances parlementaires, comme le bureau politique dans lequel siéger justement Monsieur Philippot, mais aussi un débat qui va avoir lieu avec l'ensemble de nos adhérents, puisque vous savez que Marine Le Pen va faire la tournée des fédérations et des régions pour aller à la rencontre des adhérents et avoir leur avis, mais également un questionnaire va être transmis à l'ensemble des adhérents pour qu'ils nous donnent leur point de vue sur justement les enjeux de cette refondation que nous devons mettre en œuvre. Bonsoir Gaëtan Dussausset. Bonsoir. Je vais reprendre le propos que vous venez de développer à propos du départ de M. Philippot. Vous ne pouvez quand même pas nier que Florent Philippot incarnait, de par sa stature et sa personne, une ligne particulière dans la pensée politique du Front National, qui était d'ailleurs plutôt tournée vers la critique de l'Europe et de l'euro. Et vous, vous pensez donc, est-ce que vous pensez du coup que son départ ne changera rien dans l'influence qu'avait cette doctrine anti-européenne sur le Front National ? Oui, non, je pense que ça va pas changer grand-chose parce que vous disiez en effet, Florent Philippot avait sa sensibilité. Voilà, on sait qu'il est très engagé sur les questions liées à la souveraineté française. On sait qu'il est assez engagé aussi sur l'entretien d'un patrimoine historique, culturel, notamment lié à la famille du gaullisme. Donc voilà, c'est sa sensibilité, c'était un peu son identité. Mais il faut quand même savoir que la ligne qui est défendue, et en particulier depuis que j'ai rejoint le Front National, c'est-à-dire en 2011, qui est défendue au sein de ce mouvement, c'est la ligne de la présidente, c'est la ligne de Marine Le Pen. Cette sensibilité, justement... Alors, quelle est cette ligne, justement, oui? La ligne de Marine a toujours été la même. C'est déjà celle qu'on a appelée un peu la ligne du ni droite ni gauche. Celle qui consiste à estimer que tous les vieux partis politiques, tels que le Parti Socialiste, tels que l'UMP, finalement se sont vendus dans un combat qui est celui de l'européisme, celui de la mondialisation, celui de l'immigration à tout va, et que finalement ils sont aujourd'hui très bien rassemblés et représentés dans la majorité actuelle, qui est celle de la majorité En Marche. Ça, c'est la ligne de Marine Le Pen qui consiste à estimer, à défendre finalement une certaine vision de la nation, une certaine vision de la patrie française qui serait le meilleur cadre justement pour défendre et protéger les intérêts des Français d'abord. Enfin, vous ne pouvez pas nier, Gaëtan Dussossier, que la ligne défendue par M. Philippot était véritablement incarnée par lui dans les médias et même de manière générale, que cette ligne qu'il défendait était vraiment incarné vraiment par lui. Il y a très les autres membres de la direction du parti étaient plus alignés sur une position qui était plus proche, par exemple celle de monsieur Jean-Marie Le Pen, et qu'aujourd'hui, vu que la principale voie de cet anti-européisme a désormais disparu du parti, vous ne pouvez pas nier qu'il n'y aura pas de changement idéologique dans la ligne du parti. Plusieurs choses. Déjà, premièrement, estimer que les autres cadres étaient sur la ligne ou sont sur la ligne de Jean-Marie Le Pen, bah, désolé du peu, mais il se trouve que l'ensemble du bureau politique a voté de M. Le Pen. Oui, mais surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'ensemble des cadres et membres du bureau politique ont voté l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, que 98% des adhérents, lors d'une consultation, ont validé cette décision prise par la direction du mouvement. Donc, bon, ça me paraît un peu fort de café quand même d'essayer de refaire une comparaison et de réhabiliter la pensée de Jean-Marie Le Pen. Autre chose aussi qu'il faut préciser, si vous voulez, pendant des mois et des années, j'ai entendu Florian Philippot répéter à tout bout de champ que ce qu'il défendait lorsqu'il allait sur les plateaux télé, c'était la ligne de Marine Le Pen. Alors je vois pas pourquoi d'un seul coup, sous prétexte qu'il n'est plus au Front National, la ligne qu'il défend devient non plus celle de Marine Le Pen, mais celle de Florian Philippot. On peut pas nier néanmoins que il y a quand même une différence entre ce qu'un homme politique affirme dans les médias et ce qui est la réalité. Je veux dire, tout ce que dit un homme politique n'est pas à prendre au premier pied de la lettre, parce que voilà, il peut très bien affirmer dans les médias que sa ligne est celle de Marine Le Pen, et néanmoins on l'a vu dans les différentes crises qui ont parcouru votre parti, que voilà, sa ligne était la ligne de Monsieur Philippot, ne faisait pas forcément l'unanimité au sein du parti, et que certes sa fidélité n'était pas à remettre en question à tout bout de champ, mais que néanmoins il avait quand même des accords fondamentaux avec le reste du parti. Je pense notamment à la voix de Monsieur Alliot ou la voix de Monsieur Gilbert Collard. Vous pouvez pas nier ça, genre c'est pas possible. Il avait beau dire qu'il était fidèle, mais néanmoins il y avait quand même dissensions qui existaient. Et du coup la question c'est, est-ce que ces dissensions vont disparaître, ou alors peut-on affirmer aujourd'hui que la plaie est ouverte et que le débat risque d'être agité, puisqu'il y a une recherche finalement d'un nouvel alignement? Qui a étendu ce sel, etc. Ça, on le comprend parfaitement et on le tolère bien évidemment. Mais il ne faut pas essayer de tout assimiler à la seule personne de Florent Philippot. C'est pour ça que dès le début, je vous ai dit, à mon sens, Florent Philippot est surtout parti pour des problèmes de personne et d'ego, et qu'en réalité, ce n'est pas pour des questions de fond, pour des questions de conviction politique, qu'il a claqué la porte volontairement de lui-même. Ensuite, vous disiez oui, mais il y a donc peut-être une plaie ouverte. Bon, moi, c'est pas comme ça que je pense qu'il faut appeler un débat interne à un mouvement politique. Je pense que c'est le principe d'une démocratie interne. C'est normal qu'on puisse discuter, échanger entre nous. C'est pas une plaie, c'est simple échange. Hein. C'est pas de manière très respectueuse et courtoise. C'est normal que ce genre genre de discussion, d'autant plus dans le grand chantier de la refondation qu'a initié Marine Le Pen et dans la perspective du Congrès. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des débats, comme je le disais, dans les fédérations, au sein du bureau politique, etc., etc., durant lesquels il va y avoir des propositions qui vont être faites et d'autres propositions seront légèrement opposées, qui seront soumises, et c'est les adhérents qui trancheront. C'est le principe d'un débat. Maxime Dalle, qui est avec nous, qui est fondateur de la revue Raskar Kapak, donc qui est journaliste aussi, qui est déjà arrivé en studio, vous voudrez réagir. Oui, bonjour à tous. Bonjour Gaëtan Dussaucet. Bonjour. Je voulais effectivement faire peut-être une petite réaction sur ce que vous disiez, sur ce que disait Robin il y a quelques instants. Je pense effectivement que, enfin là où je vous rejoins, c'est que je pense que Marine Le Pen n'a pas changé de ligne et ne souhaite pas, en l'occurrence, changer de ligne, et qu'elle est sur la ligne Florent Philippot. C'est-à-dire que Florent Philippot et Marine Le Pen, c'est, à mon avis, une et même personne. Elle disait il y a quelques mois qu'elle était tombée amoureuse sur le plan intellectuel de Florent Philippot. Je pense que c'est toujours le cas. En revanche, là où je pense où ça risque d'être plus compliqué, et d'ailleurs on le sentait bien hier soir sur LCP ou ce matin chez Bourdin, c'est que quand on lui demandait par rapport au congrès, quand elle va se présenter, etc., on sent qu'elle n'est pas si sûre à la fois de partir à l'aventure pour 2022, pour la simple et bonne raison qu'autour d'elle, on a l'impression que se greffe une ligne plus effectivement identitaire, etc., sans tomber dans la caricature, mais qu'elle risque de se retrouver plutôt assez seule dans cette idéologie un petit peu voilà, souverainiste de gauche que Florent Philippot effectivement défendait à bras-le-corps. J'ai l'impression qu'elle va se retrouver seule. Et puis peut-être une autre petite question, si vous le permettez. Mm-hmm. Est-ce que vous n'avez pas peur que le départ, vous allez me dire non, je suppose, mais le départ de Florent Philippot, qui quand même était une pointure, il avait d'éloquence, il savait très bien parler dans les médias, honnêtement, pour voir autour de moi, etc., j'avais le sentiment que Philippot arrivait, si vous voulez, à drainer tout de même des gens que jamais le Front National n'a réussi à amener dans son escarcelle, si vous voulez. C'est que c'était quand même une pointure, au moins médiatique. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, pour répondre sur la dernière question, et ensuite je répondrai sur le début. Évidemment, il n'est pas du tout dans mon intention de cracher ou de mépriser le travail qu'a fait Florent Philippot au sein du Front National depuis qu'il en est membre et depuis notamment qu'il en a occupé des fonctions très importantes. Il a fait un travail que tous reconnaissent, un travail qui était efficace, qui a été bon, et ce qui explique aussi donc pas forcément la compréhension, mais la déception qui se soit enfermée dans une simple aventure personnelle. Maintenant, il ne faut pas déconsidérer le fait que le Front National regorge aussi de nombreux talents. Tout ne repose pas seulement et fort heureusement sur l'épaule d'une seule personne. Mais quand on regarde par exemple Louis Alliot avec ses petits tweets, bon, qui sont assez ridicules tout de même, pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'on a l'impression tout de même, entre Ménard, qui certes ne fait pas partie du FN, Louis Alliot, tout ce côté, si vous voulez, un peu lourdingue, franc d'extrême droite, quoi. Enfin, je veux dire, sans insulte, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si on peut estimer. Je trouve que ça manque un peu de finesse. Avec Philippot, vous voyez, j'avais l'impression, en tout cas, voilà, c'est un avis assez extérieur. Non, mais d'accord, mais dans ce cas-là, écoutez les interventions de Sébastien Chenu, écoutez les interventions de David Rachine, écoutez les interventions de Nicolas Bay, écoutez les interventions de Jordan Bardella, de Julien Sanchez, qui ont été nommés porte-parole également avec Sébastien Chenu. Nous avons plein de personnes. Après, encore une fois, chacun a son caractère, chacun a sa personnalité. Vous savez, moi, je suis en charge du FNJ, donc le Mouvement Jeune du Front National. Mmh. Et donc, il m'arrive aussi de donner des formations aux jeunes, notamment dans la prise de parole médiatique. Mmh. Eh bien, à chaque fois, je leur donne cette recommandation. Soyez vous-même. N'essayez pas d'imiter un tel ou un tel. Soyez vous-même. Et donc, forcément, les individus sont divers et variés. Il y en a qui ont des caractères un peu plus corsés, si je puis dire, et qui ne gardent pas leur langue dans la poche. Et il y en a qui sont avec des angles un peu plus arrondis, qui mettent un peu plus de diplomatie, plus de forme, etc. Mais ça, c'est le caractère humain, c'est la personnalité. Gaëtan Dussaucet, vous ne pouvez pas nier néanmoins qu'avec le départ de Florent Philippot, le FN a perdu une voix, même on pourrait presque dire sa voix finalement, puisque c'était lui qui était quand même omniprésent dans les médias, qui en tout cas qui défendait le terrain, mais je rejoins Maxime Dalle là-dessus. Vous nous citez tout là les noms effectivement des nouveaux porte-parole du Front National, mais vous ne pouvez pas nier qu'on les voit quand même beaucoup moins dans les médias et qu'ils ont moins de charisme que n'a pu avoir Monsieur Philippot. Je vais vous poser une question à tous. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a déjà travaillé pour une grande chaîne de télévision ou pour une radio ? Oui. Oui. Et donc vous voyez comment on gère les invités et les invitations. Oui. Voilà. Donc vous savez pertinemment que quand il y a quelqu'un qui répond au téléphone systématiquement, eh bien on l'invite parce que c'est une option de facilité. Non, ça peut être ça, mais c'est aussi, ça, on veut aussi c'est même très souvent ça. Non, mais je vous le dis, parce que j'ai travaillé au service de presse du Front National, et donc pendant 2-3 mois, il y a quelques années, et donc j'ai exactement vécu la manière dont ça fonctionne en ce qui concerne notre mouvement du mois. Et je peux vous assurer que à maintes reprises, j'ai eu des journalistes pour des matinales de France Info, etc., etc., qui nous appelaient en disant « Bonjour, est-ce que Marine Le Pen serait disponible pour les matinales ?» Non. « Ah, mais bon, je peux vous recommander Steve Rivoy, Fabien Gelman, maire d'Ayange, je peux vous recommander Julien Sanchez, maire de Beaucaire, etc. Ah non, nous on veut Marine ou Florian et puis rien d'autre. Voilà. Donc il y a un moment donné, on ne peut pas mettre seulement sur les qualités que l'on reconnaît, hein, de oratoire de Florian Philippot, le fait qu'il était souvent invité dans les médias. Ça tient aussi parfois à ceux qui décident des invitations. Alors on a quelques réactions d'auditeurs sur le chat du site de Webset Radio. Je vous rappelle que vous pouvez réagir, chers auditeurs. Alors on a une auditrice qui nous dit: il semblerait que les autres membres de la direction se sentent apaisés par le départ de Florian Philippot, l'emprise devenait étouffante. Voilà une des réactions. Et puis on a une autre réaction qui là est une question, donc qui va s'adresser à Gaëtan, puisqu'on parlait de personnes, on parlait de lignes. DCL, un auditeur ou une auditrice nous dit: quid de la ligne Marion Maréchal? On sait que Marion Maréchal a quitté le Front National, mais est-ce qu'il y a une ligne idéologique qui lui correspondrait? Bah, écoutez, si on en regarde les analyses de différents journalistes, experts politiques, il y en a qui rapprochent plus ou moins Nicolas Bay, par exemple, de la ligne de Marion Maréchal Le Pen. On sait que les deux étaient notamment présents dans les cortèges de la Manif pour tous et étaient assez touchés par... par les questions sociétales. Donc il y a évidemment les lignes ne sont pas seules et isolées, si je puis dire, elles ne sont pas individuelles, en général c'est toujours des groupes de personnes, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en fait au-delà même de lignes, il faut surtout parler de sensibilité, de parcours, d'expérience, de référence. Moi-même j'ai mes propres références, j'ai mes propres lectures, vous en savez quelque chose d'ailleurs sur le plateau, et ça ne m'empêche pas de défendre ma propre sensibilité. Est-ce que vous pouvez, excusez-moi, cher Gaëtan, je vous entends, et Maxime Dalle de Rascacapac, justement, vos dernières lectures, peut-être un ou deux livres qui ne sont pas forcément liés à la politique que vous avez lu et qui vous ont marqué? Très bien. Alors, actuellement, je suis en train de lire Le viol des foules par la propagande politique. C'est très reposant. ma lecture estivale. D'accord. un livre d'un résistant socialiste des années 30, monsieur Jacotine, que je recommande d'ailleurs, qui est très très intéressant. On pourrait même le comparer à la technique de certains mouvements politiques actuels. Donc, c'est assez intéressant. On vous laissera faire le rapprochement. Nous ne sommes que le porte-voix de votre propre parole. Deux questions pour terminer. Gaëtan, d'abord, parce que finalement on parle de toutes les personnalités dans le parti, mais est-ce que Marine Le Pen a encore toute sa légitimité au sein du Front National? Est-ce que c'est forcément Marine Le Pen qui doit être à la tête du Front National? Mais écoutez, moi pour le moment, je ne vois personne d'autre capable de porter le combat que nous menons depuis tant et tant d'années. Pour moi, Marine Le Pen est la présidente qu'il nous faut au sein du Front National. Et d'autant plus, je vous le dis ça avec en plus de sincérité et d'honnêteté, que moi, je suis engagé au Front National pour Marine Le Pen. D'accord. Donc vous avez là au téléphone un 100% mariniste. Donc voilà, maintenant s'il y en a qui estiment que ce n'est pas possible et qu'il faut changer, ben évidemment, nous avons un fonctionnement démocratique, ils peuvent se présenter au Congrès et c'est les adhérents qui s'en changent. D'accord, très bien, on a compris. Et puis dernière question, c'est une question un peu plus d'actualité aussi, pas vraiment du Front National à proprement parler, mais quand même, par rapport à la loi travail, on n'arrive pas clairement à savoir quelle est exactement la position du Front National. Est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu la position du Front National sur la loi travail? Sur les ordonnances de la loi travail. Bien sûr, je vais vous le rappeler. Pourtant, on a toujours tenu à peu près la même position qui consiste à défendre à la fois les TPE et PME, le train de vie des TPE et PME et la justice sociale. Nous sommes évidemment opposés au projet de loi travail tel qu'il a été pensé et dicté par Emmanuel Macron. Oui, mais pourquoi vous n'appelez pas à descendre dans la rue? Parce que c'était un moyen d'action qui n'est pas le nôtre. Je n'ai absolument rien contre ceux qui décident d'aller manifester. Mais moi, je trouve ça un peu regrettable. Parce qu'en fait, en réalité, il se passe systématiquement toujours la même chose. Avant les manifestations, le débat, c'est pour ou contre la loi travail. Après les manifestations, c'est pour ou contre la manifestation. Donc, du coup, on se détourne complètement des sujets de fond. Je trouve ça un peu dommage, je trouve ça un peu regrettable. Et je suis pas certain, on l'a vu en 2015, que c'est en caillassant des CRS et en dégradant les biens publics qu'on arrive à faire reculer un projet de loi. Du coup, dernière question à propos de ça. Les syndicats de routiers ont annoncé récemment qu'ils comptaient s'emparer des raffineries et des moyens de distribution d'essence dans tout le pays. Quelle est votre réaction par rapport à ce mode d'action qui dépasse du coup celui de la simple manifestation, de la simple grève ? Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui va embêter plus d'un Français, c'est sûr, dans son quotidien. Maintenant, il faut regarder un peu à la source. Pourquoi ils font ça ? Mais parce qu'il y a un projet d'injustice sociale, le saccage social, la mise en place d'une société nomade qui est portée par la majorité. Et évidemment, si ce projet n'avait pas été mis sur la table, nous ne serions pas dans un état de crispation, on va dire, sociale aussi important. Merci Gaëtan Dussaucé, directeur du Front National de la Jeunesse. Merci, bonne soirée. Et bonne soirée. Chers auditeurs, on va parler culture d'un instant à l'autre sur Web7 Radio. Je vous propose de reprendre un peu vos esprits pendant une courte pause musicale préparée par Arthur. Puis on se retrouve juste après avec les fondateurs de la revue Raskar Kapak. Mais vous les connaissez déjà probablement, chers auditeurs, si vous êtes fidèles à notre émission. A tout de suite. Mylène Farmer sur Web7 Radio pour continuer à prendre au débat. On se retrouve tout de suite après pour la suite d'Apprendre à débattre présentée par Adrien Brachet. À tout de suite. Late at night in summer heat, expensive car on an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid. I can hot fire an ignition, some kind of star. Just a poor boy in a rich man's car. Et le moteur s'allume enfin, nos vies s'enlacent. And we drive into the night. Oh, le cuir doux s'en mêle, affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire. There's some kind of complication. Il lui dit, he's alone, spends the night with his lover. Il y a des traces, tous les mots de sa maîtresse à l'oreille sont des tours d'une chanson Please let me dance. Il est 19h27 sur Web7 Radio et on se retrouve pour la suite du 95e numéro de Apprendre ou à débattre. On a eu un petit peu de mal pour le décompte, mais je crois qu'on est à 95. Arrive, ouais, effectivement. Ouais, mais bon, nous avons suffisamment parlé de politique, donc pouvons maintenant nous prélasser. Voilà, c'est ça, exactement. Sur le transat du savoir, puisque nous recevons deux vieilles connaissances, exactement. Maxime Dalle et Yves Delafoy, fondateurs de Raskar Kapak, la Gazette artistique et inflammable. Nous les toujours. Toujours. Ah, toujours inflammable. Et qui ne viennent jamais les mains vides. Il faut quand même le notifier. Ils font partie des rares invités que nous avons ici qui ne viennent jamais les mains vides. Oui. Donc ce soir, nous avons du Médoc. Nous avons un Bordeaux, un Château Chauvet. C'est un Bordeaux de 2012. Nous sommes donc toujours ravis de recevoir nos deux momies les plus célèbres de France. Alors nous les avions donc reçus en effet au début de la revue Raskar Kapak. Ils sortent désormais leur 8e numéro qui part à la découverte de l'écrivain et aventurier Henri de Monfred. Mais avant d'y venir, je vous propose de prendre quelques minutes pour parler de Raskar Kapak, de ce qu'est devenu Raskar Kapak depuis que nous étions ici. Maxime est déjà intervenu tout à l'heure. Rebonsoir Maxime. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Et puis surtout bonsoir à Yves, bonsoir, de la foi qui ne s'est pas encore exprimé. Yves qui anime, je vous rappelle, les mots à la bouche sur Web7 Radio. J'en profite pour dire qu'il sera d'ailleurs au Village International de la Gastronomie. Exactement, avec Web7 Radio. Ouais. Et dimanche à 17h30. Et j'en profite pour annoncer du coup notre invité. Ce sera Olivier Molin qui a publié récemment un bouquin qui s'appelle Les Retrouvailles aux éditions du Rocher. Qui sera là avec le fidèle acolyte également Théo Torresilas pour nous faire les chroniques culinaires et œnologiques. Voilà, et donc vous pourrez assister si vous vous rendez au Village International de la Gastronomie dimanche, chers auditeurs, à cette émission qui est donc animée par Yves. Alors, puisque on sait que nos auditeurs n'ont pas forcément écouté l'intégralité de nos émissions, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, chose très improbable, Raskar Kapak, est-ce que vous pourriez rapidement réexpliquer un petit peu le concept de Raskar Kapak ? Raskar Kapak, avant tout, c'est un projet de copains, si vous voulez. On a voulu rendre hommage à des figures qui nous ont profondément marqués et qui ont marqué la littérature, mais aussi la peinture, la bande dessinée, le cinéma. Par exemple, que ce soit des Soutine, des Maurice René, des Corto Maltese. Si vous voulez, on a voulu prendre des figures, des personnages flamboyants, tant par leur œuvre que par leur vie, qui sont, à mon avis, de toute manière tout à fait associés. Et à partir de là, on a voulu faire œuvre de littérature. On voulait pas juste présenter aux gens, faire le petit guide de la littérature pour les nuls, ce qui est pas très intéressant. Il y a déjà suffisamment de revues qui sont uniquement à tendance culturelle et qui présentent les choses sans jamais donner un avis. Alors parfois, ça peut nous donner une flamme que certains trouvent un petit peu adolescente, parfois un petit peu arrogante ou grandiloquente. Quoi qu'il en soit, c'est un journal où la subjectivité est la première arme. Si je peux dire. D'ailleurs, Yves, chose, si je ne m'abuse, qu'ils auraient pu reprocher d'ailleurs à tous les artistes dont on a parlé. Absolument. S'ils avaient été les contemporains de ces artistes, ils auraient dit mais quel orgueil, voilà, au bout d'un moment, bon, il faut aller au bout de son petit impérialisme, aussi petit soit-il. D'où votre choix, finalement, d'auteur ou d'artiste, parce que parfois il y a eu des peintres, par exemple, il y a eu Chaïm Soutine, pas forcément les plus accessibles, en tout cas, des artistes qui sont un petit peu à part dans le patrimoine. Absolument, littéraire. Ça, c'est un choix qui est volontaire. À part par leur vie, ah oui, ça tout à fait, oui. À part par leur vie, à part par leur œuvre, par leur singularité, par leur flamboyance, aussi par leur misère, par leur soleil noir, par tout un tas de choses. Oui, on comprend bien quand on commence à connaître Raskar Kapak. Puis même quand on passe en revue les différents artistes ou auteurs qui ont été abordés dans Raskar Kapak, on le voit bien, ce sont des personnages, des monuments de la littérature qui, effectivement, comme tu dis Adrien, ne sont pas forcément toujours très connus parce qu'aveuglants, parce que brûlants, parce que désespérants même parfois. Et la première question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi cet attrait pour ces personnages flamboyants et pourquoi pas finalement faire autre chose ? Juste une petite chose, moi, avant de laisser la parole à Maxime, il y a effectivement un aspect de redécouverte, mais qui n'est peut-être pas primordial. En le sens où, avant tout, nous sommes trois dans Raskar Kapak avec Archibald Benay, qui n'est pas présent ce soir. Mais je dirais qu'il y a un consensus commun, c'est-à-dire qu'il y a une passion commune pour un artiste, et qu'il soit connu ou pas, par exemple Nietzsche. Bon, je pense que Nietzsche est déjà suffisamment connu, et d'autres aussi. Corto Maltese, d'ailleurs, il a toute une actualité, il n'a pas forcément à être redécouvert. Cependant, il y a tout un tas de choses qu'on avait à dire et qui, à mon avis, étaient neuves de par nos subjectivités. Donc, c'est surtout ça, ça marche à la passion, à l'animation et au projet de copain. D'ailleurs, tu parles de Nietzsche, juste pour préciser, une auditrice qui nous dit bravo pour le numéro sur Nietzsche. Eh bien, merci. Voilà. Donc il y a même des auditeurs de Raskar Kappa qui écoutent Webset Radio en direct. C'est le combo gagnant, hein, c'est le combo gagnant, comme on dit. Qu'elle nous transmette ses coordonnées et son âge. Et puis... oui, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Yves. Et puis à ce que disait Robin également, pourquoi ces artistes-là, ben en fait, il suffit de faire le constat de la société dans laquelle nous vivons, où j'ai l'impression quand même qu'on nous serine matin, midi et soir, que ce soit par les médias ou même autour de nous parfois, quand on est dans le monde étudiant ou même dans le monde professionnel, finalement un mode de vie qui nous convient pas. C'est ça, il y a aussi une remise en cause, une discussion autour du... Une revendication presque. Qui serait presque existentielle d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la redécouverte... Raskar Kappa, c'est donc existentiel, oulala, ouais, c'est un scoop là. On est effectivement dans une forme d'existentialisme, dans le sens où le présent pour nous compte, que la vie... et courte, comme vous connaissez cette phrase un petit peu à la con, comme ça qu'on répète tout le temps, mais c'est une réalité. Donc, il ne faut pas perdre son temps voilà, à paresser, à être forcément chez soi, à regarder Cyril Hanouna, ou à suivre je ne sais quel cours. Ou même à disserter avec ses profs sur des grands auteurs. On n'a pas assez de temps, à mon avis, pour disserter. Il faut lire, bien sûr, il faut voyager, il y a des belles rencontres à faire. Et nous, on veut redonner, si vous voulez, cet enthousiasme à la vie. Voilà, c'est peut-être un peu naïf, mais tant pis. Tous les artistes dont on parle, ont eu cette naïveté de croire que la vie pouvait être belle quand elle était poussée dans tous ses retranchements et dans toutes ses extrémités. Puis ouais, c'est exactement ce qu'on va voir effectivement avec Henri de Montfred qui a quitté la France très tôt et qui, pour mener une vie de contrebandier, d'aventurier et même de contrebandier à l'autre bout de la terre, sur les pas presque d'Arthur Rimbaud en Abyssinie, en Érythrée, à Djibouti. Et c'est bien la marque effectivement que des personnes avant nous ont cru à cet enthousiasme, à cette folie perpétuelle que finalement une autre vie est possible. Et je pense que c'est d'autant plus d'actuel aujourd'hui où on se fait de plus en plus enfermer dans les sociétés dans lesquelles on vit. D'ailleurs, j'avais prévu qu'on en parle quand on en viendra à Henri de Montfred. En effet, c'est une aventure qui est somme toute aussi assez individuelle pour tous ces personnages. C'est ça, ils ont cru à eux-mêmes avant tout. Ils ont cru aussi à eux-mêmes et en leur destin. Donc il y a un côté très antique chez ces personnages de se dire bon, ben, j'ai un destin, il faut que je l'assume, il faut que j'aille au bout. Sans forcément être dans la posture d'ailleurs de l'homme qui a un destin, un grand destin et qui doit rayonner partout, etc. C'est un destin malgré eux parfois d'ailleurs. Mais je pense qu'ils ont pas le temps de le forger rappeler. Leur destin. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand on est obligé de s'accoler à du militantisme politique, d'une part, c'est bien quand on a 16 ans, le militantisme politique, mais ou un militantisme autre, je pense que au bout d'un moment, il faut casser tous ces paravents et tous ces miroirs et se dire qui suis-je, qu'est-ce que je dois être. Comment dois-je devenir, finalement? Quel est mon être en devenir? Et cela, il faut effectivement des maîtres, il faut des phares, dont Henri de Montfred, bien évidemment, parce qu'il nous donne des clés aussi pour nous comprendre nous-mêmes et pour avoir son propre rayonnement, non pas mondain, mais un rayonnement philosophique, existentiel, pour nous-mêmes, tout simplement. Alors on va revenir vers tout ça tout à l'heure. Là, on va peut-être reculer, on pourrait dire, vers des choses un peu plus terre-à-terre, mais qui... ont leur importance pour des jeunes, par exemple, ou des auditeurs qui aimeraient eux-mêmes se lancer dans ce genre d'aventure intellectuelle et créative. Personnelle, ouais. Comment est-ce que là, vous en êtes quand même à votre numéro 8? Comment vous avez fait pour perdurer jusque-là? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Vous êtes vendu en kiosque, notamment. Donc, en kiosque et librairie, oui. Voilà, et sur abonnement, bien évidemment. Donc, ça demande beaucoup de... Ça demande des moyens, je suppose. Ça demande de l'investissement. Comment vous avez fait, concrètement, pour tenir jusque-là? En demandant à la Providence un petit coup de main. Et puis, Oui, entre le destin et la Providence, non. Parfois, elles peuvent se retrouver. Mais non, c'est ça. Il faut croire en soi déjà, ça c'est une certitude. Et puis après, nous on a la chance, si vous voulez, comme Yves le rappelait au début, que Raskar Kappa, c'est aussi une aventure collective d'un trio de trois amitiés. Voilà, c'est important de le rappeler. Archibald, qui nous écoute peut-être d'ailleurs et qui est l'une des pierres angulaires de Raskar Kappa. Si vous voulez, si y en a un de nous trois qui s'en va, Raskar Kappa, il y a quelque chose qui se délite, de fait. Et pourtant, on a des caractères bien différents entre Yves, Archibald et moi-même. Vous êtes à trois locomotives. Voilà, on est complémentaires, mais c'est bien de le dire, mais c'est bien aussi de le vivre. C'est que souvent, les gens se disent, oui, bon, on est complémentaires, etc. Et nous, on a cette chance-là, cette chance-là. Je viens du sud-ouest, hein, je le précise, mais parfois j'ai des petites chances comme ça. Et cette chance-là, finalement, d'avoir cette interaction entre nous, très, très naturelle et très facile, en fait. Et pourtant, on a des caractères assez difficiles. Hein, je veux dire, on n'est pas des bonnes pattes, et parfois, d'ailleurs, on s'écharpe, on s'engueule, mais toujours pour le bien de finalement, pour le bien commun, parce qu'on œuvre aussi pour le bien commun, pour sortir un peu de l'abêtissement ambiant dans lequel on vit. Voilà, on est cette force en trio, cette trinité finalement est très importante pour Raskar. Alors quelles sont les perspectives d'avenir de Raskar Kapak? Avant qu'on parle du présent, on parle de l'avenir. Bon, on le fait dans l'autre sens, mais perspective déjà, c'est de rester, j'irai sur la durée durant encore quelques temps, et surtout de repasser en bimestriel, parce que là nous étions passés en trimestriel. Donc à partir de janvier, on repassera un tous les deux mois. Mm-hmm. Donc là, ça va réaccélérer un petit peu la cadence qui était le cas durant la première année. Et pour la deuxième année, on a voulu un petit peu espacer pour avoir plus de temps de lecture, plus de temps de réflexion. Mmh. Bon, et au final, je pense qu'en se mettant suffisamment de coups de cravache entre nous, effectivement, on se fouette mutuellement, et c'est important de se fouetter, parce que sinon, il y a toujours un qui, à un moment, a envie de faire autre chose, et voilà. Et puis après, on est là aussi pour se rebooster, si vous me permettez cet anglicisme, pour continuer finalement ce combat littéraire qui est le nôtre. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que pour les perspectives d'avenir, on vous en dira plus dans quelques temps. Mais Raskar Kapak va maintenant rayonner bientôt nationalement, dans le sens où vous avez des distributeurs en province. On va même éditeur. Donc ça va se faire très bientôt normalement. Donc on sera édité, on sera distribué, et même pour nous, c'est très important. Pourquoi? Première raison, d'une part pour rayonner aussi par-delà le petit cercle parisien, et c'est très important, je pense, de sortir de l'enclos littéraire parisien, même si on a commencé à le faire par notre site, etc. Aussi d'être visible de tous, et de se dire une chose. C'est que finalement, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà. Est-ce qu'on est là pour effectivement distribuer 500 ou 600 ou 700 numéros autour de nous, avec des lecteurs qui se greffent vraiment autour de nous? On a une vraie communauté Raskar Kapienne, c'est ça qui est amusant. Il y a une vraie marque entre guillemets Raskar Kapak, c'est ça qui est assez intrigant, parce que les gens nous font beaucoup de retours sur les numéros, et ça nous pousse. Exactement. Il y a une communauté, ça nous pousse à continuer. Et puis aussi pour le côté, vous l'évoquiez Adrien au début, toute la contingence, toute la logistique qui commençait à être pour nous vraiment rude. C'est-à-dire qu'il faut gérer les abonnés, il faut gérer l'édition, il faut gérer les paiements, etc. Et puis au bout d'un moment, on arrive dans un système, si vous voulez, on n'a pas cherché à faire de l'argent avec Raskar Kapak, il est vendu 3 euros, donc en soi, on ne gagne pas d'argent. Mais là, avec ce système plus sain d'une certaine manière, alors que le numéro Raskar va à peine augmenter, peut-être d'un euro, 4 euros, on ne voulait pas aller plus loin. Ça c'est évident. On va pouvoir nous ne se concentrer que sur le fond, que sur la lecture, que sur les rencontres qu'on va pouvoir faire. On organisera sans doute après des belles rencontres. Voilà, on vous en dira peut-être plus tout à l'heure. Mais c'est important là aussi de se concentrer sur le fond. Et je pense qu'on est arrivé au bout de presque 2 ans à la fin d'un cycle où maintenant voilà il faut grandir pour le bien de Raskar, et puis aussi pour nos futurs lecteurs, parce que on veut passer maintenant de 800 lecteurs à, on veut au moins le doubler quoi en une année. Il faut se dire voilà que si le soleil brille, il brille pour tout le monde et pas seulement pour les habitants de Saint-Germain-des-Prés, de Montparnasse. Littéraire ce soir. Bon, toujours est-il que les lecteurs qu'on a ne sont pas forcément des lecteurs de Saint-Germain-des-Prés. Il y en a fait. Mais on est vraiment. D'ailleurs, il suffit de voir les abonnés, les lecteurs qui s'abonnent, qui vous envoient des photos. On voit sur les réseaux sociaux aussi des photos du bout du monde, parfois jusqu'à Tahiti, jusqu'en Australie, la mer morte aussi. On a vu avec le dernier numéro sur Henri de Montfrère, la mer morte, golfe de la mer rouge, parce que nos lecteurs voyagent aussi beaucoup et aiment emporter dans leur besace un Raskar, parce que ça redonne, et c'est vraiment le sentiment qu'on a, et nous ça nous fait plaisir, parce que c'était vraiment le but de Raskar, en plus d'écrire sur des artistes qu'on apprécie, c'est de redonner, si vous voulez, une pulsion de vie, tout simplement, un peu vitaliste, voilà, à nos lecteurs qui ont envie, après nous avoir lu, de voyager, de lire, d'être curieux, etc. Voilà, c'est, Alors, s'il y a quelqu'un qui redonne une pulsion de vie, je crois que c'est bien Henri de Montfred. C'est lui qui est à la une de votre 8e numéro. Alors, c'est un écrivain, un aventurier, je pense qu'on peut dire les deux, un contrebandier, disait tout à l'heure. Un marin hors pair. Peut-être pour les auditeurs qui ne le connaissent pas forcément, qui est Henri de Montfred en quelques mots? Alors Henri de Montfred, ce qui est fascinant chez lui en fait, c'est qu'il est né au 19e siècle, fin 19e siècle, dans les années 1880. Et est mort en 1885 pour être exact, et est mort en 1975. Il meurt très âgé. Donc il meurt, il est né en 1879. Voilà, c'est l'ivresse. Oui, il meurt à 95 ans. Exactement, il meurt à 95 ans. Et il est à cheval, si vous voulez, sur deux siècles. C'est-à-dire que quand il est né, il connaît la calèche et les rues pavées. C'est ça. À Paris. Puis il y a l'aviation, la radio qui apparaissent entre temps. Tout à fait. Et quand il meurt, bon, mai 68 est passé par là. Les hippies avec leur belle touffe, voilà, toute grasse. Et donc, si vous voulez, il a connu plusieurs mondes, Henri de Montfred. C'est ça déjà qui est passionnant chez lui, et qu'il a eu toute cette acuité, voilà, sur l'évolution de l'Europe de son temps. Henri de Montfred, de bonne famille, issu de plutôt de bonne famille, il passe son bac, etc. Et puis, à 30 ans, c'est ça, en 1911, donc il a 31 ans, il décide de partir, de faire le grand départ, et de partir pour Djibouti, pour la mer Rouge. Et la raison en est très simple, c'est qu'il ne voulait pas s'accorder, si vous voulez, avec le monde social qui est oppressant, où il faut avoir un patron, on a toujours des choses, etc. Cette espèce de devoir social, vous savez qui. C'est ça, surtout qu'il me semble que Henri de Montfred était ingénieur. Quand il est parti, il n'était pas ingénieur. Il a fait plusieurs petits métiers. Il n'a pas fait de grandes études. J'étais persuadé qu'il était ingénieur. Il faut lire Ascar Capac. Mais j'étais persuadé qu'il avait fait. Il a fait une école, mais sans forcément aller au bout. Voilà, parce qu'il a fait les 400 coups également. Ce qui à l'époque. Par exemple, il y a une anecdote amusante que nous a raconté Guillaume de Montfred, parce que Guillaume de Montfred, son petit-fils justement, nous a accordé un bel entretien dans ce Ascar Capac numéro 8. Nous disait d'ailleurs, que Henri, si vous voulez, il s'est essayé, bien sûr, à divers métiers entre 1900 et 1911, dont celui où il travaillait dans une crèmerie, si vous voulez, où pour être le meilleur ouvrier de sa crèmerie, il a commencé à trafiquer la crème en ajoutant des espèces d'ajouts bizarroïdes qui permettaient de gonfler la crème, et du coup il était devenu, si vous voulez, le plus grand crémier quasiment de sa crèmerie. Or après on s'est rendu compte de sa forfaiture, et après il s'est fait virer, bien évidemment, et lui il s'est dit bon ben j'ai pas envie de passer ma vie à faire des petites combines sociales françaises, et j'ai envie de mer, et d'ailleurs il le dit très tôt, dès 1895-1896, il a écrit de beaux poèmes là-dessus. Mais adolescent, il écrit des poèmes, déjà. Bien sûr. J'ai envie de large, j'ai envie de partir. Il fait sauter les vitres de son école. Voilà. Il avait déjà une fascination pour la mer, parce que son père, justement, qui était un grand ami de Gauguin, avait un voilier, et ils partaient ensemble pour des petites virées là-bas. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous retracer son parcours, les pays qu'il a visités pour les pays, c'est principalement surtout toute la corne d'Afrique. Donc, c'est-à-dire toute la mer Rouge qu'il a vraiment sillonnée, qu'il ne connaissait comme sa poche, au point que les peuplades autochtones, que ce soit de différents pays, de différentes races, de différentes religions, le considéraient comme vraiment un des leurs. Parce que, si vous voulez, il connaissait ça non pas pour des raisons exclusivement techniques, mais parce que Simon Fred était un homme qui savait apprécier la nature, qui avait un caractère aussi contemplatif, et donc il a profondément aimé cette terre, et il se l'est fait sienne, beaucoup plus que la jungle de Saint-Germain, comme disait lui-même. Voilà, globalement ça s'est passé là. Après il y a eu des petites virées en Inde, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr, après il est parti, si vous voulez, parce que commerçant de hashish en Inde. Il a commencé dans le commerce des perles, on peut le lire justement dans ses aventures de la mer Rouge, dans les perles fines, où d'ailleurs il faut rappeler, parce que c'est vrai qu'on le présente comme un grand trafiquant, etc. Effectivement il trafiquait, mais c'était toujours entre la légalité et l'illégalité. Entre le bien et le mal. C'est ça, voilà, puisque les armes en fait, le commerce des armes était toléré par les autorités qui soi-disant rabotaient les caisses pour pas pas qu'on sache d'où elles viennent, c'est-à-dire que les Français voulaient pas qu'on sache que les armes venaient de France, et les Anglais pareil. Et il me semble qu'après, quand il est allé en Inde, justement, il commerçait le hashish. Même avant, et c'était légal à l'époque. Donc, c'est que l'histoire du hashish, pour être tout à fait précis, elle intervient juste après que son commerce de perles fines soit complètement saccagé par l'administration coloniale. Et c'est pour ça d'ailleurs. Oui, il est haï par l'administration coloniale. La raison simple, c'est que l'administration coloniale, en fait, veut des bons petits servants colons de la grande cause française. Alors que Monfred sert avant tout sa cause, bien qu'il est issu, bien sûr, de la culture européenne et qu'il en a aussi les us et les coutumes, les habitudes, du moins dans un premier temps. Parce qu'après, voilà, il va être fasciné par le fatalisme aussi oriental, etc. Il va se convertir à l'islam. Son petit-fils critique le fait qu'on parle de conversion. Son petit-fils Guillaume dit que c'était une conversion de circonstance, d'opportunité. Alors que bon, quand on lit Monfred malgré tout, ne serait-ce que dans son premier livre, ses aventures en mer Rouge, il dit bien que il se donne à Allah s'il survit. Voilà, à une tempête terrible dans le golfe de la mer Rouge, et s'il survit, il se convertit à l'islam. Et ensuite, en plus, au fil de tous ces récits, on sent vraiment une fascination, pour une forme de contemplation, bien sûr, de la nature, comme le disait Yves, mais aussi une forme d'islam culturel, si vous voulez, authentique, viril. Voilà, et c'est ça qui fascine aussi Monfred. On n'est pas incomparable avec l'islamisme actuel, je veux dire, s'il se reconnaîtrait absolument pas. Mais il y avait une manière de vivre, en fait. Il y avait une manière de vivre qui était assez posée et qui était assez authentique, virile, bien que parfois, il pouvait y avoir, bien sûr, il le raconte d'ailleurs, quand il commerce avec les Arabes, des petites entourloupes, mais que lui a appris à connaître. Et juste peut-être pour le hashish. Tu parlais de l'Inde. D'abord, il commerçait avec l'Arabie, le golfe d'Aden, et puis il a dû reculer à cause des Anglais. En fait, le hashish, ça a commencé avec son fameux récit, d'ailleurs, la croisière du hashish qui succède aux aventures de la mer Rouge. Il est parti d'abord en Grèce, dans le port du Pirée, où il a rencontré. Et tout est de circonstance, en fait, avec Monfred. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que tout est circonstancé. C'est-à-dire que s'il part, par exemple, en Grèce pour aller choper du hashish, c'est absolument pas parce qu'il l'a prévu depuis quelques mois. C'est que. Bon, on lui sur le moment, il en a entendu parler, donc il va essayer d'aller expérimenter la chose. Et donc il part en Grèce, dans le port du Pirée, où il rencontre Papa Manoli, qui est un pop qui a beaucoup qui est un pop assez extraordinaire, avec une barbe monstrueuse, et qui a une influence énorme dans toute la Grèce, du moins maritime. Et donc là, il va commercer, si vous voulez, avec lui, avec la population locale. Et puis il va se retrouver avec plus de 12 tonnes de hashish, hein, qu'il aura quand même livré à l'Égypte notamment. Donc en fait, il commence sa première aventure par rapport au hashish, justement, commence avec la Grèce. Après, l'Inde, il y viendra pour d'autres drogues, d'ailleurs, diverses et variées. Le plus drôle est d'ailleurs qu'à l'époque, le commerce du hashish n'était pas interdit. Disons qu'on avait le droit de commercer si vous aviez, il me semble, je crois que c'est Guillaume de Monfred qui en parle dans une interview sur France Inter, où il dit à l'époque, on avait le droit d'avoir 0,5 grammes ou 0,5 kilos, je sais pas, sur soi. Or, quand Monfred allait en Inde pour aller chercher du hashish, il en ramenait 10 tonnes. Et en fait, c'est ça qui bloquait, c'est que le hashish en lui-même n'était pas condamné, mais c'était une question de quantité. Donc, et c'est finalement la limite un peu de son côté de contrebandier, c'est qu'il faisait un commerce qui était à la base, qui n'est pas forcément interdit, mais lui cherchait quand même le profit, puis en même temps le risque, l'aventure. D'ailleurs, il cherchait pas forcément le profit. C'est vrai qu'il y a une grande question qui se pose, c'est que pourquoi il fait du commerce de perles, pourquoi il fait du commerce de hashish, pourquoi il fait du trafic d'armes. Et en fait, il le dit là aussi dans ses récits, c'est pas forcément pour l'appât du gain, bien sûr, il faut qu'il vive, mais souvent, il remet d'ailleurs son jeu, il remet toute sa fortune pour une autre aventure, en fait. Il est, si vous voulez, dans une espèce d'aventure perpétuelle, et en fait, ce qui le stimule, c'est avant tout l'aventure à Alexandre Dumas. C'est ça, le défi. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre des aventures à Alexandre Dumas. Et de défier les éléments ou les gens qui l'entourent, effectivement. Alors, justement, on parle de voyage perpétuel, d'aventure sans cesse. On parlait tout à l'heure du décalage avec notre époque actuelle. Est-ce que finalement, Henri de Monfred aurait pu être Henri de Monfred aujourd'hui ? Est-ce que ça aurait été possible à l'heure du tourisme de masse ? Bon, à un moment d'ailleurs, il s'exclame devant les touristes devant Gizeh, je m'en fus écœuré comme si je venais d'assister à un sacrilège. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Henri de Monfred aurait pu trouver l'évasion qu'il recherchait. Oh, à mon avis, on peut toujours la trouver. Ça, c'est une certitude. Cependant, je pense que mon Fred aurait été porté peut-être par une rage tout à fait différente et qui se serait dirigé vers des choses peut-être même encore plus violentes, encore plus, ou alors vers une introspection. Moi, je sais pas, un peu plus comme un Baudelaire avec un voyage en chambre. Mais c'est sûr qu'il aurait pas pu avoir le même destin, ne serait-ce que parce qu'on est conditionné par des questions de sécurité, par des questions de confort. Ça aurait été tout à fait différent. Mais bon, je pense qu'il y a toujours des Monfred qui sont encore. C'est sûr qu'il aurait pas eu le même destin dans le sens où même lui dit ce qui m'intéresse en partant dans le golfe de la mer Rouge, en Abyssinie, etc. C'est cette vie de brousse où pour se défendre il faut sortir son fusil. Donc il y a un côté très primitif au bon sens du terme. Et ça effectivement on peut pas le retrouver aujourd'hui, ou du moins après on reste beaucoup dans la posture parce que lui il a vraiment bénéficié d'une époque où tout était encore plus ou moins possible, bien qu'on l'emmerdait quand même sacrément, et les colonies étaient là aussi pour ça, parce que c'était un être anarchique, dont on n'arrivait pas à mettre la main dessus, et qui était... On est à l'heure aujourd'hui de la sécurité, du passeport et de la frontière, alors que mon frère était un homme de l'infini, de l'éternité, qui lui n'avait pas de frontière, n'avait pas de... Pour lui, la Terre était effectivement ronde, dans le sens où il n'avait pas de limite, il ne pouvait pas s'arrêter, c'est-à-dire qu'il se posait à Djibouti, il allait en Inde pour aller chercher son hachiche, puis il allait le revendre en Grèce, il partait à Suez, puis après il allait au sud de la Somalie, enfin, il n'avait pas tellement de limite, il aurait pu partir n'importe où, et je pense qu'aujourd'hui, non, il aurait pas pu faire ses aventures dans le Golfe d'Aden qui est aujourd'hui parcouru par les pirates criminels et par les armées occidentales qui cherchent à protéger leur cargo, mais peut-être qu'il aurait pu aller ailleurs, en Angola ou dans le Golfe de Guinée, où là, effectivement, il y a un peu plus de liberté. Après, mais c'est rien de faire du chrony, de refaire l'histoire, non, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il aurait eu un destin, à mon avis, parce que le destin, de toute manière, est porté par une personnalité. Donc sa personnalité, si elle avait été la même, il aurait eu un destin fort qui aurait été bien évidemment différent de celui qu'il a eu. Il a exploité son époque. C'est pas l'époque qui a permis ça, c'est lui qui a exploité lui-même sa propre avec époque. Avec tout ce parcours qu'on vient de relater, il y a une auditrice qui nous demande, mais comment a-t-il pu avoir une famille avec tout ça? Ah ouais, ça c'est une très bonne question. Et il en a eu plusieurs, hein, des familles. On a de très bons auditeurs. Parce que au moment où il est parti à Djibouti, il fuyait entre autres sa première femme qu'il trouvait horriblement emmerdante et qui lui courait après, et que justement ce qui est assez fort, c'est que c'est un homme qui a rebuté toute l'administration coloniale pour un fait, c'est qu'il a eu des femmes de là-bas, justement des femmes de là-bas qui étaient vues comme des soudanaises, des somaliennes, oui, des somalis, pardon, presque comme des esclaves par l'administration blanche, et que lui justement a adoré ça parce qu'il découvrait une pulsion chez ces femmes qui était une pulsion primitive, une pulsion vitale, et qu'elles n'avaient absolument pas toutes les coutumes, les ornements, les parures. Lui-même s'est fait autochtone, en fait, c'est ça qu'il faut dire aussi de Monfred. Je pense que c'est ça qu'il résume, c'est que il s'est vraiment fait autochtone de l'Orient, si l'on peut dire. Et puis même d'ailleurs tout son équipage, son fidèle coéquipier Abdi bien sûr, disait de lui, parce que c'est ça qui est assez formidable dans l'Orient. Et je pense qu'il faut redécouvrir l'Orient avec Monfred, non pas par toutes les conneries qu'on peut entendre sur les médias où souvent parfois on caricature tout et n'importe quoi, parce que l'Orient, il y a aussi de magnifiques choses en Orient, voilà, et dans la culture arabe, dans la culture africaine. Il faut redécouvrir ça. Et lui, justement, la culture du mythe, de la mythologie, du conte oriental, il le dit, je crois, dans la mer Rouge, dans la prière du Hashish ou dans un autre récit, que finalement son équipage a fait de lui quasiment un descendant d'Allah. Descendant de il a gagné le respect de son équipage qui était prêt à le suivre très loin. C'est un conte à lui tout seul. Après, il en a joué quand il est revenu à Paris, bien sûr, quand il faisait ses conférences, etc. Mais c'est quelqu'un qui faisait rêver. C'était un phare, une espèce de poussée, de bouffée d'air, d'oxygène, tout simplement. C'est qu'il nous donne envie de partir, il nous donne envie de se bouger. Je pense que c'est ça. C'est ce qu'il disait, on parlait tout à l'heure de la religion, mais c'est ce qu'il disait à propos de sa conversion, enfin en tout cas du fait qu'il ait rejoint l'islam. Il le dit dans Les Secrets de la Mer Rouge, il dit: je ne suis pas devenu musulman parce que je crois en Allah, mais c'est parce que quand je navigue, que je vois des Portugais ou des Espagnols qui sont très catholiques, eux prient en arrivant dans une tempête pour ne pas mourir, alors que les Arabes, les musulmans restent stoïques sur leur pont, disant: si Allah veut que je survive, je survivrai, et si je meurs, c'est que c'était la volonté d'Allah et la volonté de Dieu, finalement. Le fatalisme, c'est ça. Est-ce qu'il se référait à Allah systématiquement, je ne sais pas, mais en tout cas il y avait ce côté fataliste, c'est-à-dire que si ça doit se passer, ça se se passera. C'est ça, voilà. C'était une destinée plutôt. Qu'on se retrouve chez les Antiques, hein, bien sûr. Bien qu'on sûr, chez les Antiques. Et lui, c'est ce qu'il a aimé plus que Allah. C'était le fait justement qu'on se dise, voilà, si je dois mourir maintenant, c'est parce que c'était mon heure. Et si je ne meurs pas, c'est parce que voilà, j'ai fait tout pour et que c'était. Et peut-être pour répondre très rapidement à l'auditrice justement sur la famille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Monfred n'était pas du tout un coureur de femmes, comme peuvent l'être d'autres aventuriers ou d'autres artistes. Bien sûr, il aimait les femmes, bien évidemment, mais il en fait pas du tout le socle de ses écrits, de ses récits. L'aventure avant tout. Mais c'est vrai que lui-même était parfois torturé, bien évidemment. Entre une vie de famille un peu posée, il l'a essayé parfois d'ailleurs, mais au bout d'un an, il pétait les plombs. Il avait envie de partir, il avait envie de grands espaces. Et je me dis parfois, finalement, est-ce qu'il ne vaut mieux pas, si vous voulez, pour faire rêver ses enfants, donc admettons qu'on ait une famille, pour faire rêver ses enfants, est-ce qu'il ne vaut mieux pas justement avoir une vie héroïque, justement, à la Monfred, pour permettre à ses enfants aussi d'être dans l'admiration et d'être une forme d'inspiration pour ses enfants, plutôt que de dire, comme on l'entend aujourd'hui, et comme il faudrait l'être en tant que papa contemporain, se trouver extraordinaire de changer de la couche de son gosse tous les matins. Voilà, c'est ce qu'on entend chez les papas contemporains. C'est ce que disait Guillaume de Monfred. On lui a demandé quelle était sa relation avec son grand-père. Il le dit, elle a été macabre, parce que la première fois que je devais le rencontrer, il avait déjà donc 85 ou 90 ans. Il devait le retrouver à La Réunion. Lui est arrivé en avion, il était plutôt jeune, il avait une dizaine d'années, 12 ans. Henri de Monfred, lui, avait décidé de prendre le bateau avec un de ses amis, dont j'ai malheureusement oublié le nom. Et quand il est arrivé à La Réunion, on a annoncé à Guillaume de Monfred, donc le petit-fils de Henri, que son grand-père était mort. Oui. Et donc ça, il devait rencontrer pour la première fois son grand-père, qui était le héros dont on lui avait parlé, et on lui dit qu'il est mort. Bon, finalement, on a retrouvé Henri de Monfred sur son bateau, il a eu quelques petits problèmes, mais finalement, il était bien vivant, il a vécu après 10 ans avec son grand-père, enfin, proche de lui dans son environnement, mais il dit voilà, c'est ça, c'est ce que disait Maxime, c'est que finalement, il a été inspiré par son grand-père qui bien voilà. Bien sûr, mais on le voit d'ailleurs quand on l'a rencontré avec Yves, bien évidemment qu'il était dans l'admiration de son grand-père et que ça l'a beaucoup inspiré pour sa vie qu'il a vécu précisément en tant que architecte. Il a bourlingué d'ailleurs Guillaume de Monfred un peu partout dans le monde. Mais ce qui est intéressant, et ça il faut vraiment que les gens le comprennent, c'est que on peut pas rêver d'une cohérence totale dans une vie. Les vies intéressantes finalement, et les vies qu'on présente dans Rascar, sont des vies où ont lieu précisément les coïncidentia oppositorum, où les coïncidences opposées, où les opposés se rencontrent. Et Henri de Monfred était un homme avec beaucoup d'opposition interne, intérieure, entre la vie de famille bien sûr, entre l'aventure, entre la liberté, entre le désir de voilà, ouais, voilà. Et je pense que la vie est complexe tout simplement, et Monfred il a pour le montrer. Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur Henri de Monfred, il y a donc déjà Rascar Capac numéro 8, hein, Rascar Capac sur le pont avec Henri de Monfred, donc en kiosque ou en librairie. Dans certaines librairies, vous avez la liste sur le site de Rascar Capac. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner également. Voilà. Donc peut-être une petite adresse. Alors vous pouvez bien sûr nous suivre sur notre page Facebook. Rascar Capac, Rascar Capac. Et comme puis après, bien sûr, non, pas comme dans Tintin. Dans Tintin, il n'y a que des C. Voilà. Nous, on a mis des K pour ne pas être d'ailleurs, emmerdé. Henri de Monfred, je cale sur mes références. Henri de Monfred apparaît dans Tintin, d'ailleurs, dans un des. Oui, tout à fait. Sauf Tintin. Sauf Tintin qui est dans son sarcophage en train de voguer. Et il n'est pas très tendre avec lui, justement. Et puis, à partir de 2018, mais ça, on reviendra pour vous en parler. Bien sûr. Voilà, Rascar Capac étendra ses boules de cristal dans toute la France, mais voilà, donc à partir sans doute du numéro 10. Prochain numéro, James Salter, l'aviateur assez peu connu. Donc là, on travaille sur des inédits, etc., pour en avoir, parce que c'est aussi ça, hein, la marque Rascar, c'est de proposer des inédits, des photographies inédites, pour voilà. Et le numéro 10, qui parachèvera les deux années de Rascar Capac avec Mishima, voilà, le guerrier Mishima. Le japonais, le dernier samouraï japonais. Ouais. Et pour en savoir plus sur Rascar Capac, bien sûr, on pense à plus sur Rascar Capac, mais sur Henri de Monfred. Oh. Vous pouvez lire également Mes Vies d'Aventure. Oui, Les Secrets de la Mer Rouge, La Croisière du Hachis, tous voilà, ces bouquins qui sont. Qui vous permettent vraiment de vous évader, vous rentrez de vacances, si vous avez encore envie de prendre des vacances, bah, c'est une excellente solution de lire Henri de Monfred. Être en vacances toute sa vie, c'est pas mal. Voilà, c'est une belle option. Les vacances à la Henri de Monfred. Et on va terminer avec les tops et les flops. Et maintenant, les tops et les flops. C'est une tradition dans cette émission, les tops et les flops, quelque chose qui vous a plu, qui vous a déplu au cours de l'actualité. Toutes les actualités sont possibles, hein. Politique, culturelle, on vient de le voir au cours de cette émission, mais sportive également, voilà, tout ce que vous voulez. Et on commence, comme d'habitude, par Arthur. Si tu veux, pourquoi pas. Moi, j'ai un top et un flop. Alors, je vais commencer par le flop. Le flop, c'est l'escalade de violence entre Pyongyang et Donald Trump, là, aux États-Unis. On est à deux doigts de se faire tirer une bombe H dans l'océan Pacifique. Donc, va peut-être falloir qu'à un moment, il se calme, hein, avant qu'on ait la Troisième Guerre mondiale. Et mon top, c'est que ce week-end, on est tous ensemble, là, où cette radio, justement, au Village International de la Gastronomie. Cette radio est partenaire du Village International de la Gastronomie, comme l'an dernier. Et nous vous retrouvons tout au long du week-end sur les quais de Seine, à côté du pont de l'Alma. Vous pourrez venir. Le port du Gros Caillou. Voilà, le port du Gros Caillou. Vous pourrez nous y retrouver, venir échanger avec nous. Nous interviewerons les différents intervenants du salon. Et je le rappelle, Yves présentera une émission des mots à la bouche dimanche de 17h30 à 18h30 en public au Village International de la Gastronomie. Et qui sera filmé, ouais, par le et qui sera filmé. Et en plus, Lafosse, qui avait déjà fait ça. En plus, le lieu est franchement pas très, mal très pour sympathique. Avoir vécu l'an dernier. Exactement. Sur les bords de Seine. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Est-ce qu'on a le temps pour un nouveau top? Ça va être à toi. Parce que tu vas avoir le droit à ton top et ton flop. J'ai un excellent top. Le Stade Toulousain joue à Brive là. Je sais plus. Je crois que c'est samedi soir. Et le top, c'est que je voudrais saluer le renouveau du Stade Toulousain avec Hugo Mola, qui était quand même assez perturbé en fin de saison dernière et qui pourtant a réussi un boulot remarquable. Et il y a des nouvelles recrues comme Antoine Dupont, qui sera à mon avis le futur demi-mêlée de l'équipe de France. Il y a un nouvel ailier aussi, Colby, qui est extraordinaire. Enfin bref, on prend du plaisir lorsqu'on les voit jouer. Yves qui nous parle sport, ça c'est une exclusivité. Ah, c'est effectivement, on est à la pointe de la news là. Ah, et donc il faut, assez, il faut hein. se remettre au top 14, fuir les équipes comme Toulon ou Montpellier qui sont des équipes de boucher, et aller voir des équipes comme Clermont, comme La Rochelle ou comme le Stade qui justement pratiquent un ne jeu sont ouvert pas des équipes de et boucher, qui sont absolument de gastronome. Magnifiques. Gastronome, je sais pas, mais je ne suis pas non plus poète. Mais... Bah écoute, moi... Landru, t'es un excellent boucher, par exemple. Dans mon flop, je mettrais la disparition de l'acteur Henry Dean Stanton, qui a disparu, bon maintenant c'était quoi, il y a 5-6 jours, et qu'on peut retenir ne serait-ce que pour l'ouverture du film Paris, Texas de Wim Wenders, et qui, bon, voilà, qui va nous manquer, je pense, sur la scène, enfin, au cinéma. Et mon top, c'est la sortie du livre de l'historien spécialiste du Japon, Pierre-François. Alors j'ai mon téléphone parce que son nom est compliqué, il s'appelle Pierre-François Souiri, S-O-U-Y-R-I, et qui est consacré aux samouraïs, 1000 ans d'histoire du Japon. Et je pense que ça va être un ouvrage passionnant, à la fois pour essayer de condenser toute la connaissance qu'on a là-dessus, puis en même temps très poussé, puisque bon, comme on le sait, Souiri est un spécialiste de l'archipel nippon. Et donc voilà, c'était mon coup de cœur. Alors lui, par contre, il est là pour le coup, là j'ai mais de l'avance. Coup de cœur sans l'avoir lu. C'est parce qu'il va sortir le 7 octobre et bon on l'attendait pas parce que bon c'est pas une rockstar, ouais, mais c'est quelque chose qui est bien, je trouve. C'est de consacrer un livre pas seulement à l'histoire du Japon mais particulièrement aux samouraïs. Il sortira voilà donc début octobre. Peut-être que l'équipe de Rascal Capable le liront pour il faut vraiment s'intéresser à l'esprit samouraï. Même Mishima en parle beaucoup, bien sûr. Je pense que d'ailleurs peut-être qu'on en parlera un jour ici, mais il y a énormément à en dire sur cet esprit samouraï qui est assez fascinant. Il faut lire vraiment les samouraïs, du moins les théoriciens de la chevalerie samouraï pour vivre aujourd'hui. On se sent bien mieux après. Mon cher Adrien, dans les tops et les flops, la mort de Bettencourt, top ou flop alors? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Rib à son âme. Ah, oui. J'ai entendu rest in peace, mais voilà. Bon, c'est attends, c'est avant tour le top et flop, hein. N'est-ce pas, oui, Adrien? Oui, la exactement. Mort de Christophe, de Marjorie. Avant de finir par le mettre. Maxime. Alors moi mon top, c'est très simple, c'est la soirée de Rascal Capac. Ah bah oui. Qui aura lieu le 29 septembre prochain. Notez vos agendas et donc vendredi plus de doigts, 29 septembre prochain à partir de 20h au Bar des Halles. Vendredi prochain en fait. Exactement, vendredi c'est prochain. Ça. Au Bar des Halles, donc le 29 septembre, parce que si l'émission est réécoutée par nos éditeurs plus tard, oui, c'est vrai. C'est le 29 septembre. C'est vrai. 2017. Parce que parfois nos auditeurs réécoutent plusieurs années après. Voilà, 2017. Donc à partir de 20h au Bar des Halles, donc le bar d'un ami qui nous prête ses belles caves en pierre. Voilà, vous connaissez peut-être déjà ces caves. À partir de 20h, 71 rue Saint-Honoré, donc métro Louvre-Rivoli, bref, voilà. Tout le monde est invité. Voilà. Et puis il y aura aussi de beaux invités. Il y aura Guillaume de Montfred qui sera présent notamment. Et puis encore plein d'autres surprises. Et puis voilà, je vous invite vraiment à y venir pour à la fois nous rencontrer, pour acheter des rasca capac parce que. Parce que bon, évidemment, business, voilà, business, hein. Pour boire du champagne, pour fumer dans les caves, car elles sont fumeurs, bien oui, évidemment. C'est un vrai. Et donc voilà, et pour rencontrer aussi Guillaume de Montfred, pour pouvoir lui parler, voilà. C'est toujours une bonne chose. Et puis un flop, bah écoutez, moi le flop, c'est vraiment la rentrée politique. Je me désespère à chaque fois, à chaque rentrée, quand je vois ces affaires de couscous gay du FN. Je pense qu'on partage le même flop. Je me dis, mais bon Dieu, mais qu'est-ce que la France et qu'est-ce que l'Europe a fait pour mériter cela, quoi, je veux dire, pour mériter une telle connerie intellectuelle, spirituelle, on se généraliser en plus la connerie. Mais de l'extrême droite à l'extrême gauche, si vous voulez, je veux dire, c'est une horreur. Je veux dire, quitter la politique, lisez mon Fred et voilà, ouais. Stop. Et bah, c'est partir en Afrique. C'est à toi. Et là, c'est à moi. Avant de partir en Afrique et de manger du couscous. Je pense qu'on partageait le même flop avec Maxime sur cette rentrée politique dont on attend. Bon, elle n'est pas encore terminée, hein, mais dont on attendait probablement plus que des affaires répétitives comme celle-là. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à maintenant. C'est des affaires, là. C'est des. Maintenant, oui, quoi. Même pas des affaires, oui, en effet. On aurait préféré passer sa dissolution, cette rentrée politique. Alors qu'on aurait pu se dire maintenant que la campagne présidentielle est terminée, peut-être qu'on va pouvoir avoir un peu plus de temps pour vraiment débattre de tout ce qui est en train de se reformer, des nouveaux pôles idéologiques. Ben non, on revient à la case départ. Et vraiment plutôt à défaut, honnêtement, d'écouter ces hommes politiques épouvantables qui ont tous leurs éléments de langage qui leur sont propres. Franchement, lisez, découvrez, sortez. Ouais, des Kurosawa, lisez Monfred et allez boire du vin. C'est la sortie de l'INA de cette semaine, c'est Reggiani qui récite le poème de Baudelaire qui s'appelle Enivrez-vous. Il dit enivrez-vous toujours de vin, de cigarettes, d'amour ou même de vertu, il dit à la fin. Et puis on s'en fout de la vertu, mais de la beauté. vertu, s'il vous plaît. Enfin, c'est la vertu de poser des bombes à l'Assemblée. Ouais. même si, quand même. Hashtag couscous gate. Merci pour le hashtag. Non, même si je rajouterais que quand même le débat sur le travail vaudrait le coup d'être posé, quoi qu'on en pense. Voilà. Moi, j'ai appris que les députés et les REM sont préparés pour leur rentrée puisqu'ils sont partis faire du team building, entre guillemets, en allant faire de l'acrobranche du parcours de combattant dans la forêt de Fontainebleau. Je pense qu'on est tous très contents de le savoir, que la majorité prépare. Bah nous, on a essayé d'en faire avec Arthur pendant les vacances. Oui, c'est une connerie. On n'a pas réussi. Ça doit expliquer. De l'acrobranche avec Arthur, effectivement, t'as tenté un truc à la Henri de Montfort. Surtout, ne manifestons pas pour aller pour essayer d'avoir une vie plus bourgeoise encore, pour avoir sa petite sécurité du travail, etc. Et puis ne soutenons ni Macron ni personne. Voilà, partons faire de l'acrobranche avec tout le monde. Avec tout le monde. En Afrique. Quittez vos salons, quittez vos pavés, quittez vos pantoufles surtout, et le monde s'en portera mieux. Et puis mon top quand même. Et puis ton top, bien sûr. Alors Dieu donné en plein nord, c'est ça. Exactement. Alors mon top, nous l'avons partagé puisque c'est le film Le Redoutable auquel. Ah oui, effectivement. À l'avant-première, et puis nous avons eu l'occasion d'échanger ensuite avec l'équipe du film. Avec un article pas piqué d'un ton que je prépare là-dessus. Voilà, c'était ma première avant-première. Business is business. Hein, voilà, et je trouve ce format de l'avant-première absolument ridicule. Donc je vous prépare un petit article là-dessus. Moi j'ai trouvé le film très joyeux, sans concession sur Godard. Alors il faut avoir lu le livre avant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à un biopic très sérieux, très rigide. Non, c'est vraiment quelque chose de gay, de joyeux. Il se veut une comédie d'ailleurs. Moi j'ai trouvé ça très drôle. Revendiqué comme tel. Moi j'ai conseillé ça à un ami qui m'a dit mais Adrien c'est absolument pas drôle. Moi j'ai trouvé ça drôle personnellement. Est-ce que vous avez vu le Gauguin avec Vincent Cassel? Pas encore. Ça ne saurait tarder. Tu l'as vu toi? Non, je l'ai pas vu mais c'est pas du tout ce que ça vaut. Je m'attends une grosse croûte mais je pense que je vais quand même aller le voir parce que j'aime bien Cassel. Pour tout ça maintenant vous avez le lundi soir de 18 à 19h une nouvelle émission cinéma sur Web7 Radio. On ira le voir, on ira un article puis voilà, on verra bien le bout de qu'ils font. Bel esprit. Très sympathique, Robin, toujours. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir. Abonnez-vous à Rasca Capac. Il faut investir maintenant. Merci à tous, chers auditeurs. Là, je rajoute que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Rascacapac.tiktok.com. Voilà, allez. Bonne soirée à tous, chers auditeurs, et à très vite sur les ondes de Web7 Radio. C'était Apprendre ou à débattre tous les vendredis 19-20h.